It is nothing serious. It is nothing serious. It is nothing serious. Et à l'instant, donc c'est toujours un générique qui est candidat au remix. Donc vous cherchez triturer, mélanger, servir, oui, un truc comme ça, pour pouvoir proposer de nouveaux génériques de 2 minutes à partir de ce qui existe déjà sur la page triturer, mélanger, servir. Il s'agissait de ANI, Acid New Year, de Dodécaèdre. Alors maintenant, on va passer un petit peu à du légume. Tout à l'heure, on avait eu droit à la pomme. Maintenant, on a droit à autre chose, le brocoli. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait, à ce que l'effet que l'on obtient habituellement avec de la carotte, il paraît que ça adoucit les mœurs et tout et tout et tout, ben le brocoli, ça a l'air de faire un tout autre effet puisque Filvio nous propose une bastonnade de brocoli. Il nous avait mis ça en ligne le 4 avril 2008 sous une licence Creative Commons by 2.0. Alors le brocoli qui est de la famille des brassicacées, mais Filvio est loin d'être un brassicacé avec sa guitare. Le brocoli était une plante potagère qui est originaire du sud de l'Italie. Il fut sélectionné par les Romains à partir du chou sauvage qu'il appréciait beaucoup. Par exemple, ben, maintenant la cuisine italienne l'utilise encore beaucoup d'ailleurs et il a été introduit en France par Catherine de Médicis. Donc le brocoli qui présente une tige centrale ferme ramifiée en petits bouquets à la floraison est parsemé de minuscules fleurs jaunes. On le cueille avant l'éclosion de ces fleurs jaunes. Le mot brocoli en fait vient du latin brachium qui signifie branche en référence à la forme du légume qui fait penser à des arbres miniatures. Enfin, ça ressemble plutôt à des sapins d'ailleurs. Habituellement de couleur vert foncé ou vert sauge, il peut aussi être parfois blanc ou pourpre. Donc le brocoli c'est très bon en termes de valeur nutritive. Bon, à peine 27 calories pour 100 grammes, 3 grammes de protéines, 2,4 grammes de glucides, 0,3 grammes de lipides et surtout 92% d'eau. 3 grammes de fibres qui facilitent le transit intestinal. Alors il y a pas mal de vitamines. Alors avec 100 grammes de brocoli, déjà 93 mg de calcium, soit 20% de ce qu'il faut pour la journée. 0,11 mg de vitamine B9, c'est la moitié de ce qu'il faut. Donc 200 g de brocoli, vous avez ce qu'il faut en vitamine B9. Vitamine C avant cuisson, ça fait 110 mg. Bon, après cuisson, ça fait beaucoup plus. Ça fait beaucoup moins, pardon. Mais il y en a deux fois plus que dans les épinards et autant que dans le citron. Évidemment, il n'y aura pas 100% après la cuisson. Il y a également 17 mg de vitamine K, c'est 100% de ce qu'il faut, la quantité totale qu'il faut pour les apports journaliers. Par contre, pour le faire, il faudrait en manger 1 kg parce que ça ne fait que 10%. Donc c'est pareil pour le magnésium, donc c'est pas forcément la meilleure façon pour ça. Mais pour le reste, rien que pour le reste, ça vaut le coup de manger du brocoli. Brocoli donc et donc cette bastonnade de brocoli, alors j'espère que ça vous rendra pas comme ça vous-même, par Philvio, c'est sous licence Creative Commons by 2.0. Petit maman me tabassait à coups de brocoli, bien cuit, ah oui bien cuit. Ils sont à point ces brocolis. Elle me fourvoyait en mixant la chose dans des patates pilées, patates pilées. Allez, gaffe-toi. Bastonnade de brocoli, c'était donc Philvio, et on revient d'ailleurs à un artiste qui, on a déjà passé un morceau de lui là tout à l'heure, Friends Garage, et donc le compositeur c'est toujours Matthias Vogel. Le 10 octobre 2006 ça a été écrit, ça s'appelle Hard to Say, difficile à dire, sous licence Creative Commons by 2.0, donc la même licence que le morceau précédent. Qu'on a eu sur Dogmazic le 24 février 2008, il y a à peu près un an et quart, un tiers. Donc le groupe French Garage qui fait encore une fois, ça reste du rock encore une fois. We'll be right back. wants me to be a she. She wants me to be a he. He wants me to be cool. And she wants me to break their rules. I just say welcome and hard to lose your cause. Papa wants me to be a tough guy and Mama prefers me nice and polite. All my friends say I'm selfish and my enemies just don't care about it. Hard to say what comes and hard to lose what goes. De tout ça, il y a, par le groupe French Garage, et ben, on va revenir à des histoires de légumes à l'instant avec Navet. Navet qui est un titre de Marilyn Rambo sous licence art libre. C'est du rock, alors licence art libre, ben, je l'avais déjà expliqué là tout à l'heure. Hein. Bon, vous regardez, en fait, il y a un site normalement en gogolisant. Sur internet, vous devriez trouver le texte légal de la licence art libre, ainsi que au sujet du navet, qui est une plante herbacée, qui est aussi de la famille des brassicacées, et lui non plus n'est pas un bras cassé à la guitare, cultivé comme plante potagère pour sa racine charnue, consommée comme légume, et le terme désigne aussi le légume. Donc navet, navo, rave, notamment, et c'est un petit peu un voisin du radis d'ailleurs, c'est de la même famille, donc qui est bisannuel, on en a deux en fait par an. Donc qui, ça se mange cuit en jardinière, en accompagnement de plats de vin, viande ou pour parfumer des potages. Et c'est également ce qu'on utilisait dans le temps avant qu'il y ait de la pomme de terre en France, eh ben, c'était du navet. Donc navet par Marilyn Rambo qui nous a mis ça en ligne en janvier 2008, donc il y a un an et demi. Envoyer, oui. C'est ici qu'il faut envoyer, pas sur ce forum aussi, quoi, pour donner les titres. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Ben voilà que j'oublie de préparer mes trucs. Voilà, ben maintenant je l'ai retrouvé, c'est parti. Et après le navet, on va changer de légumes, toujours le même interprète, toujours la même licence, Marilyn Rambeau sous licence art libre, qui nous propose son radis noir, qui n'a pas de... qui connaît pas le... Alors, radis noir... Ah, c'est peut-être ça qui... Oui, il y a un truc en plus là à enlever, voilà. Radis Noir, s'il connaît, c'est toujours dans la même famille des brassicacées, une plante d'hiver riche en vitamine C, en potassium, dont on consomme la racine et qui est peu calorique, 15 kilocalories pour 100 grammes. Apéritif et diurétique, sa consommation est réputée bénéfique pour les échanges métaboliques, le foie, les poumons et la vessie. Ça s'appelle aussi le radis d'Espagne, le radis d'hiver, le réfort des Parisiens, le réfort cultivé, à ne pas confondre avec le réfort tout court qui lui est beaucoup plus fort. Et donc comme les autres radis, il est d'autant plus fort au goût qu'il a manqué d'eau. Mais ce n'est pas le réfort qui lui arrache carrément, un petit peu comme la moutarde, on n'en est pas à ce point-là. Ça se consomme cru, pelé et coupé en lamelles ou râpé. Le radis noir par Marilyn Rambeau. Le radis noir qui est en fait une version du navet mais en plus court un petit peu, c'est il y a deux versions quoi, et je me semble qu'il y en a un des deux qui n'est plus en ligne. Pour continuer, un haricot, c'est toujours Marilyn Rambeau qui nous propose un haricot, donc une espèce de plante annuelle de la famille des Fabaceae, c'est des Papilionaceae, en change de famille du genre Phaseolus, nous couramment utilisé comme légumes. On en consomme soit le fruit, donc la gousse, ou bien alors les graines qui sont riches en protéines, donc le terme haricot qui désigne aussi les parties consommées, c'est-à-dire les graines ou les gousses. Elle est originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud et joue un rôle important dans l'alimentation humaine comme source d'amidon et de protéines. Est-ce qu'éventuellement la diffusion, la domestication du haricot commun qui serait intervenue dans deux centres distincts en Amérique centrale et en Amérique du Sud dans la région andine. Et la première apparition dans les sites archéologiques est datée de 7000 ans avant Jésus-Christ au Pérou et 4000 ans avant Jésus-Christ au Tamaulipas, donc au nord-est du Mexique, et 3000 ans avant Jésus-Christ au Tehuacan, le sud-est de Mexico. Et le centre mésoaméricain, donc la zone où la quasi-totalité des espèces de haricots ont été retrouvées à l'état sauvage, semble le centre principal de diffusion des haricots et le centre où s'est formé le complexe haricot, maïs et courge, les trois sœurs des peuples amérindiens, qui s'est ensuite diffusé vers le nord. Donc la première introduction du haricot en Europe serait due à Christophe Colomb, qu'il a découvert à Nuevitas, l'actuel Cuba, lors de son premier voyage en octobre 1492. Donc par la suite, d'autres explorateurs le découvrirent en différents points d'Amérique du Nord et du Sud. La diffusion de la plante en Europe se serait faite par le Vatican. C'est Catherine de Médicis qui l'aurait introduite en France, encore elle, qui a introduit des trucs à l'occasion de son mariage avec le roi Henri II en 1533. Dès le XVIe siècle, des navigateurs portugais l'ont introduit en Afrique et en Asie. Le haricot est facile à cultiver, il produit des graines de bonne taille et de longue conservation. Il a connu rapidement un grand succès en Europe où il s'est diversifié en d'innombrables variétés locales, se substituant partiellement ou totalement à d'autres légumineuses anciennes comme les pois chiches, lentilles, dolique monguette. Il s'est également bien implanté en Afrique orientale, notamment dans la région des Grands Lacs, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, où il retrouvait des conditions écologiques proches de celles des montagnes andines. Cette région est devenue aussi un centre de diversification et le haricot y est encore de nos jours un aliment de base des populations rurales. La plante ne s'est par contre pas imposée en Asie tropicale face à des légumineuses mieux adaptées au climat telles que le haricot mango et le lablab, donc le pois en tac de, comment on l'appelle, à la Réunion. Voilà, le nom du haricot, ça vient du Nahuatl, donc la langue des Aztèques, Ayacotl. Ils appelaient ça Ayacotl et c'est ça qui a donné le mot haricot pour le mot français. Donc haricot tout de suite par comment qui s'appelle Marilyn Rambeau. We'll be right back. Et voilà, ben, comme quoi on peut avoir de très bons navets aussi, même en musique, avec Marilyn Rambeau et ses légumes, à l'instant le haricot. Alors, cette émission, ben, elle arrive à sa fin. On va bientôt, il va y avoir une heure de pause au niveau de l'animation, on va laisser le robot faire passer de la musique tout seul. Mais d'ici une heure, ben, il va y avoir l'émission de Makefest Radio The ce soir par Steph Bach, comme un lundi, qui sera diffusé, relayé ici même sur Radio Dogmazic de 20h à 22h. Ça c'est pour de 20h à 22h, donc heure française, c'est-à-dire en temps universel, de 18h à 20h. Et donc c'est la fin du direct live from the Elsass, donc avec comme générique Hilar Monique, qui est toujours aussi candidat, un de ces génériques là qui est en candidat à être remixé pour faire un nouveau générique s'il y a des volontaires. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, et puis tout à l'heure également, je ne serai pas à l'antenne moi-même, mais je serai là pour relayer l'émission de Makefest Radio comme un lundi par Steph Bach. L'émission, ce Rocket Live from the Elsass d'aujourd'hui, les trois parties et tout l'ensemble, est publié sous licence Creative Commons by NCND 2.0. Est disponible déjà là maintenant en stream, mais ça vous pourrez vous procurer au bout d'un certain temps les émissions sur mininova.org, ça c'est du BitTorrent. Sur Imule également, vous trouvez des liens, regardez sur le site group.pageperso-orange.fr sur mon site web. Vous avez différents liens pour le BitTorrent, pour Imule, sur archive.org également, et puis évidemment sur Dogmazic, mais dans une qualité moindre parce que j'ai un petit peu de mal à uploader tout ça. Même si j'ai un petit peu amélioré là ces derniers temps depuis la dernière émission. Vaut mieux aller les chercher sur, je vous conseille quand même soit Mininova, soit archive.org, c'est là que vous aurez la meilleure qualité. Sur Mininova, ça sera en Hog Vorbis, en 500 kilobits à partir de maintenant. Et sur archive.org, à côté du 500 kilobits, vous avez quand même le MP3 en 320 kilobits. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, rendez-vous dans une heure pour Comme un lundi, animé par Steph Bach, relayé sur Dogmazic, de Makefest Radio. Thank you. Thank you.